Ici Luc Simard. À titre de préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, je tiens à profiter du mois de l'arbre afin de souligner l'importance qu'a la forêt pour notre communauté. Nous sommes choyés car nous avons la chance de posséder l'un des plus importants parterres forestiers du Québec. Cette importante ressource constitue non seulement notre principal moteur économique, mais aussi un immense terrain de jeu pour tous nos citoyens. Soyons-en fiers et assurons-nous de l'aménager et la protéger afin que nous puissions léguer une forêt en santé aux générations futures. Le printemps est enfin arrivé et pour vous préparer pour la belle saison, le magasin Canadian Tire est fin prêt. Que ce soit pour les articles de piscine, tondeuse ou le centre du jardin qui ouvrira très bientôt, le magasin Canadian Tire a tout ce qu'il vous faut. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini. CanadianTire.ca. Le magasin Canadian Tire tient à souligner le mois de l'arbre et de la forêt. La forêt, un des moteurs économiques de notre secteur. On va parler, évidemment, les camps d'entraînement de la Ligue canadienne de football sont commencés. On va parler de nos deux gars de Dolbeau-Mistassini. Il y en a un, évidemment, qui devra lutter encore une fois, j'ai l'impression, cette année pour garder son poste avec les Bombers de Winnipeg. Il y en a un autre qui, lui, va tenter de faire le club pour la première fois. Et on va lui parler aujourd'hui pour la première fois. C'est Alexandre Gagnon, en direct de Calgary. Salut, Alexandre. Bonjour, Dan. Alexandre, tu es arrivé au camp jeudi passé. Depuis ce temps-là, comment ça va? Écoute, ça va très bien. Faut dire que j'ai fait le camp d'entraînement au complet l'an passé, donc je reviens en territoire connu avec un cahier de jeu que je connais, avec des joueurs que je connais, une organisation que je connais. Fait que c'est sûr que je suis infiniment plus à l'aise que l'an dernier. Donc je dirais que ça va très bien jusqu'à maintenant. Ton 15 livres de plus, est-ce que ça paraît? En fait, c'est 25 livres. Ah, 25 livres, OK. Parce que tu étais à 15 livres cet hiver. Tu étais à 15 livres cet hiver quand on s'est parlé. Ça se peut-tu? Puis on t'est rendu à 25, c'est ça? Ouais. OK. Donc, ton 25 livres de plus, ça doit paraître certain parce que ce qui manquait un petit peu, je m'en rappelle d'avoir fait des entrevues l'année passée avec toi et avec Marc-Éric Bouchard de Radio-Canada à Calgary. Tu avais un beau potentiel, tu avais un beau physique. Par contre, il restait à ajouter de la chair un petit peu. Là. Puis ça doit paraître certainement. Là. Ah oui, c'est le jour et la nuit, surtout au niveau du jeu au sol. OK. Ça brasse vraiment beaucoup dans les tranchées sur la ligne. Et je le sens vraiment, là, je suis plus fort, je suis plus solide. Je me fais vraiment moins bosser. C'est surtout là que je vois vraiment une grosse différence. Puis que je pense que tout le monde la voit aussi. Mon jeu versus le sol, c'est vraiment amélioré. OK. J'imagine aussi, bon, que là, également, t'as moins de nervosité aussi. Là. L'année passée, c'était carrément un territoire inconnu, là. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'on doit parler maintenant contre qui tu te bataillais cette année pour le poste? Non, les entraîneurs, ils ne parlent pas vraiment de ces choses-là. Okay. C'est sûr que tout le monde est en compétition, tout le monde bataille pour avoir une job. Ouais. La vraie compétition, c'est toi-même, c'est toi qu'il faut que tu te dépenses à chaque jour, il faut que tu donnes le meilleur de toi-même. OK, mais j'imagine que bon, tu devrais commencer comme à ta position que tu as joué à Sherbrooke, c'est ça? Lié défensif, donc j'imagine que le fait que tu es Canadien, ça va t'aider aussi? C'est sûr, lorsqu'un bon joueur canadien peut jouer dans l'équipe, ça augmente le ratio, puis... Les entraîneurs aiment beaucoup ça, mais j'ai une position que ce sont surtout des Américains qui jouent là. Donc, encore une fois, cette année, comme la plupart des Canadiens, faut que je tourne ma place sur les unités spéciales. Ben, c'est ça, hein, les unités spéciales. Shane Gauthier est beaucoup dans les Canadiens de football à cause des unités spéciales. J'imagine que toi aussi, là, c'est... Et là-dessus, comment tu te débrouilles? Tu te débrouilles quand même pas pire? Oui, l'année passée, ça avait vraiment bien été pour moi à ce niveau-là. Cette année, j'arrive encore une fois, je connais les techniques, je connais les jeux, donc jusqu'à maintenant, ça va très bien. OK. Est-ce qu'on t'a parlé, les premiers matchs sont la semaine prochaine, est-ce qu'on t'a parlé que tu devrais jouer le premier match? Oui, c'est vraiment fun pour moi d'être dans une organisation comme Calgary, où tous les joueurs ont vraiment la chance de jouer dans les matchs pré-saison, c'est pas comme ça dans chaque équipe. Ouais. Je sais que je vais avoir beaucoup de terrain sur l'unité spéciale, puis je devrais en voir quand même assez aussi en défensive, donc je suis vraiment choyé à ce niveau-là, je vais pouvoir montrer ce que je peux faire. Donc ça, c'est notre premier match, parce que c'est très court, comparativement à la NFL, c'est très court, c'est deux matchs, là. T'as pas une deuxième chance vraiment de créer une bonne première impression, là. Quoi que les coachs te connaissent, c'est pas comme l'année passée, là. Oui, évidemment, mais le camp est long. Chaque pratique est évaluée. On a également un match intra-équipe ce dimanche qui va rentrer dans l'évaluation. Donc, on a énormément de chances de montrer ce qu'on peut faire. OK. Les journées à Calgary, comment ça se passe? Là il est, au moment où on enregistre le podcast, il est 13h35, 11h35 heure de Calgary. Là, est-ce que ta journée de travail est terminée, là? Non. On commence très tôt. Le matin, on se lève. Ouais. Les recrues, on doit aller en premier faire les traitements en physiothérapie. Ensuite, on pratique à 8h30 à chaque matin jusqu'à 11h, 11h30. OK. Là, ensuite, là, on a notre break pour aller manger. On a des réunions cet après-midi, un autre pratique de 4 à 6 heures. Okay. Et ensuite, manger, traitement, tout ça. Et ensuite, on a des réunions jusqu'à tard en soirée. C'est pas mal comme ça à chaque jour. OK, de quoi vous parlez dans ces réunions-là? C'est des cahiers de jeu? C'est d'apprendre les cahiers de jeu, apprendre les équipes? C'est quoi, les règles de l'équipe? Ben, comme en présentement, qu'en entraînement, c'est sûr qu'on rentre des nouveaux jeux à chaque jour. OK. Ensuite, on revise le film de la pratique. Là. Chaque répétition est regardée sur film, on corrige. Il y a beaucoup de compétitions en pratique, des 1 contre 1, des situations juste de ça, des situations juste de passe, des situations vraiment de 12 contre 12. Donc, tout ce film-là est regardé chaque répétition de chaque joueur. On corrige les erreurs, on met les points sur les i, ensuite, c'est ça, on rentre des nouveaux jeux, puis on continue comme ça. C'est beaucoup de films à regarder parce qu'il y a les unités spéciales, il y a la défensive, ouais. On regarde aussi certaines. Des ateliers en position, donc okay. J'ai beaucoup de travail à faire. Ben, pas le temps de niaiser, comme on dit, pas le temps de visiter, puis pas le temps de t'amuser non plus, là. J'imagine que t'es là pour faire l'équipe aussi, là, cette année, là. Ouais, c'est ça, on bataille tout pour une job, puis le soir, on arrive à 10h dans nos résidences, puis on se met tous ensemble, on revise nos jeux, on se couche tard, on se lève tôt. C'est le camp d'entraînement, c'est vraiment difficile, c'est là qu'on voit on sépare les hommes des enfants, puis de voir c'est qui est capable de faire l'équipe. Comment tu te sens cette année comparativement à l'année passée? Je m'explique, l'année passée, t'étais un choix de sixième ronde l'année passée des Stamps, ouais. Puis t'allais là pour vraiment, là, t'allais là un petit peu, on va se le dire, là, t'allais là pour t'amuser. T'avais pas vraiment d'attente, il te restait une année à Sherbrooke, puis tu avais dit je fais l'équipe, tant mieux, mais au pire, c'est pas grave, je vais aller à Sherbrooke terminer mon année. Mais là, cette année, tu as terminé les études, là. Ouais. Si tu fais pas l'équipe, donc, j'imagine qu'on a. Est-ce que tu sens une pression supplémentaire? Oui, évidemment. L'année passée, je dirais pas que c'était là pour m'amuser. J'étais vraiment là pour apprendre. Ouais. C'est ce que j'ai fait. J'ai pu voir vraiment ce sur quoi je devais travailler puis comment ça marchait ici. J'ai travaillé sur toutes ces choses-là pendant mon entraînement en saison. Fait que je suis arrivé cette année beaucoup plus près que l'an passé. Je connais les techniques, je sais quoi faire, je sais mes points forts, mes points faibles. Mais oui, évidemment, cette année, je suis vraiment ici pour avoir une job. Fait que, OK. C'est vraiment pour ça que je me bats. Mais comme notre coach des D-Line dit ici, on a vraiment la meilleure ligne défensive de la ligue. Ah ouais. Puis si on est coupé ici, on va se faire signer ailleurs. Mais je pense vraiment pas à ça. Jusqu'à maintenant, ça va très bien. Puis je pense que mes chances sont très bonnes de faire le club cette année. Ben, t'es probablement dans la meilleure organisation de l'équipe canadienne de football. Là. On va se le dire, là, année après année, les Stampeders, année après année, sont compétitifs. Alexandre, on va se parler toutes les semaines pour savoir comment ça va au camp d'entraînement. Puis évidemment, je vais parler avec Marc-Éric Bouchard, que tu vas sûrement croiser de Radio-Canada à Calgary également. On va te souhaiter la meilleure des chances. Puis au plaisir de se reparler la semaine prochaine. Bien, merci à toi. Alexandre Gagnon de Dolboom Sicily qui est à Calgary au camp d'entraînement des Stamps.